Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec une collègue, une de plus, qui est venue, bien entendu, grâce aux échanges Erasmus. Una colega muy simpática que viene de una región francesa poco conocida que se llama el Franco Condado. Laurence, buenos días. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Laurence Ander-Hubert. Voilà, et je viens de l'Université de Franche-Comté, et plus précisément d'une annexe de l'Université de Franche-Comté qui se trouve dans le nord de la Franche-Comté, à Montbéliard. Perfecto, muy bien. Voy a hacer una primera pregunta de curiosa. En español decimos el Franco Condado, y acabo de oír que dices la Franche-Comté. Tu peux expliquer cette différence de genre entre la Franche-Comté et le Franco-Condado ? Oui, effectivement, c'est surprenant puisque actuellement en français, on parle aussi du comté. C'est un terme masculin. Mais jusqu'au 19e siècle, il y a eu une certaine fluctuation de genre, un certain flottement pour le mot comté et par association à d'autres mots féminins avec la même terminaison comme charité, clarté, méchanceté, par exemple. On a parlé longtemps de la comté aussi, d'où la Franche-Comté. D'où la Franche-Comté. Muy bien, muchas gracias por su explicación clarísima. Pues entonces nos va a hablar de los aspectos físicos del Franco Condado, ¿verdad? Oui, effectivement. Donc la Franche-Comté, c'est une région qui se trouve dans le nord-est de la France. C'est une région qui couvre à peu près 3% du territoire français et qui comprend 1,2 million d'habitants. Et la densité de population est assez faible, elle est d'à peu près 68 habitants au kilomètre carré, ce qui représente la moitié de la densité moyenne de France. Alors, ce qu'on peut dire de la Franche-Comté, c'est que c'est une région très verte. Très verte parce que très boisée, pratiquement la moitié du territoire de la Franche-Comté est couverte de forêts. Voilà. Pour les aspects physiques, on peut rajouter également que c'est une région assez montagneuse. On y trouve deux éléments importants du relief, les montagnes du Jura, que nous partageons en Franche-Comté avec la Suisse, et les Vosges, que nous partageons avec la région voisine, l'Alsace. L'Alsace voilà. Et la Lorraine. Et la Lorraine, effectivement. Et si, parce qu'il y avait ici une personne parlant de Lorraine et réindiquant les Vosges. Oui. Les Vosges, tout le monde veut les Vosges. Tout le monde veut les Vosges, oui. Muy bien. Et tiene ríos también, ¿no? Muchos ríos, me imagino. Oui, c'est une région où il y a beaucoup de rivières, et notamment le Doubs, qui est une rivière qui donne son nom d'ailleurs à un des départements, un des quatre départements qui forment la Franche-Comté. C'est une rivière vraiment magnifique qui permet justement le développement de beaucoup d'activités touristiques dans cette région-là. Très bien. Alors, nos acaba de hablar de los departamentos. ¿Cuáles son los cuatro departamentos de la Franche-Comté? Alors, la Franche-Comté comprend le Doubs, donc le département du Doubs, le département du Jura, celui de la Haute-Saône et tout au nord, le territoire de Belfort. Muy bien. Le territoire de Belfort, le territoire de Belfort, ¿verdad? Es un departamento muy pequeño, ¿verdad? Effectivement, c'est très particulier puisque Belfort est à la fois un département, mais qui comprend en fait beaucoup qui concentre beaucoup d'activités administratives, culturelles. C'est un des plus petits départements français, voire le plus petit département français, et qui tient beaucoup à son identité, qui part de son histoire en fait très particulière dont je vous parlais peut-être tout à l'heure. C'est vrai. Et ce département du territoire de Belfort era curioso porque cuando yo era pequeña, la lista de los departamentos terminaba por le territoire de Belfort y no está en orden alfabético. Effectivement, c'est le 90. C'est le 90. Y eso. Alors ça, je ne saurais pas te dire. C'est parce que c'est le dernier qui est entré en la liste. Claro. Effectivement, oui, puisque ouais. Les départements ont été créés sous Napoléon. Voilà. Et c'est un peu plus tard, effectivement, que le département est né. Voilà, un des derniers. C'est le dernier. Rattaché, diríamos, en l'antiguo régime, rattaché à la couronne, oui. En 1870, je pense. Exactement, oui. Oui. Después de la guerre contre Prusia, ¿verdad? Pues muy bien. Et desde el punto de vista lingüístico, el franco-provençal, todavía se habla en Franche-Comté? Oui, il y a certaines régions où on parle le patois, un patois, le patois roman en fait. C'est un patois qui est partagé en fait avec les amis suisses, les voisins suisses, et qui est parlé encore un petit peu. Alors ce n'est pas une langue aussi parlée que l'alsacien par exemple, ou le basque ou le breton, mais il y a des gens qui continuent à le parler, à l'étudier et à écrire dans cette langue-là. Claro, es una zona periférica y se ha mantenido un poquitín más, como en todos los sitios de Francia, ¿verdad? Se llama también l'arpitan, ¿verdad? Sí, eso cuando se estudia lingüística románica te enseñan que el franco provenzal que se habla allí también se llama l'arpitan, que tiene un nombre muy gracioso, ¿verdad? Oui. Pero claro, c'est comme dans le reste de la France, n'est-ce pas, les traits linguistiques sont à peu près effacés. Mais il reste tout de même une intonation, peut-être. Tout à fait, voilà, il y a une intonation particulière. Voilà, qui fait que les gens se reconnaissent et se retrouvent. Effectivement. Mais très bien. Et du point de vue historique, nos dice alguna cosa de Franco Condado que intéresse a nuestros oyentes? Oui, effectivement. Alors, d'un point de vue historique, on peut rappeler que pendant un moment, la Franche-Comté était espagnole. D'ailleurs, il y a eu des études menées là-dessus, et même c'est le titre d'un ouvrage, « Quand la Franche-Comté était espagnole ». Et quelques Franc-Comtois qui connaissent l'histoire de leur région parlent parfois avec une certaine nostalgie de ce moment. Quand la Franche-Comté était espagnole, puisqu'ils imaginent cette époque-là un peu comme un âge d'or. Alors pourquoi la Franche-Comté était espagnole? Tout simplement, au XVIe, au XVIIe siècle, notre région, la Franche-Comté, était sous la protection des rois d'Espagne du fait de l'appartenance de la couronne espagnole à la maison des Habsbourg. Voilà. Et ce n'est qu'en 1674 que les Français ont à nouveau dominer la Franche-Comté. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, a priori, on n'a jamais parlé espagnol en Franche-Comté. Les Franc-Comtois ont bénéficié de la protection des Espagnols, mais la noblesse franc-comtoise avait la liberté de gouverner, l'a beaucoup utilisée, et la culture est restée comtoise, et c'est le français qui était parlé. Voilà. D'ailleurs, Louis XIV y est allé en personne pour mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il n'y avait pas d'autre solution. Eh bien, je vous remercie. Nous allons écouter une chanson que vous avez choisie. Oui, c'est une chanson d'un artiste français jeune qui s'appelle Benabar. Et le titre de la chanson, c'est Le Fou Rire. Le Fou Rire. Alors, on va rigoler. Allez, en avant. Des allées, des chants d'oiseaux, un cortège de manteaux noirs, désolé, sans un mot, en silence, en mouchoir. Tu nous manquais déjà, et ce n'était que le début. Il ne manquait que toi, notre chair disparue. Quelques arbres bien vivants veillaient sur un champ de granit. Monument pour combattants d'une guerre qu'on perd tout le temps et beaucoup trop vite. Désormais, qu'est-ce qu'on va devenir si tout est moche, si tout est triste? Désarmé, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai prié Dieu pour qu'il existe. Ces messieurs des pompes funèbres au recueillement professionnel glissaient à la corde le cercueil. Dorures inutiles, une dame à ce moment-là a dérapé dans les graviers en poussant un râle comme ça, qui m'a fait rigoler. Un fou rire à un enterrement, je m'en veux vraiment, c'était nerveux sûrement, en tout cas c'était pas le moment. Je suis peut-être cruel, complètement insensible. Au moins je n'étais pas le seul à rire le plus doucement possible. Comme une traînée de poudre, le rire a enflammé le cortège, tombé sur nous comme la foudre, le plus beau de tous les sacrilèges. Dos voûté, tête baissée, j'ai honte à le dire, on poussait des petits cris étouffés, on était mort de rire. Nos larmes alors n'étaient plus des larmes de chagrin, et c'était pas par pudeur si on cachait nos visages dans nos mains. Petit pas la procession, l'indigne file d'attente, retrouver l'émotion devant la tombe béante. Je suis redevenu sérieux, où avais-je la tête? À nouveau malheureux, c'était quand même un peu plus correct. J'ai pleuré à ton enterrement, je n'avais pas le choix. Tu n'étais plus là comme avant pour rire avec moi. Voilà, eh bien merci de nous avoir fait rire, chère Laurence. Alors, vous aviez encore des choses à nous raconter sur la Franche-Comté, ¿verdad? Más cosas sobre Franco Condado, ¿verdad? Tout à fait. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est la Franche-Comté et vous donner éventuellement l'envie de venir visiter cette belle région, je voudrais vous parler de trois villes. Ce ne sont pas les villes, comment dire, c'est trois villes importantes, voilà, en Franche-Comté, Besançon, Montbéliard et Belfort. Alors, Besançon, c'est sans doute la ville la plus connue de Franche-Comté. Il s'agit de la capitale de Franche-Comté. Et cette ville est connue notamment pour sa citadelle. Une citadelle que l'on doit à l'architecte Vauban, que nos auditeurs connaissent sans doute. Sí, como todas las demás, ¿verdad? Las fortificaciones de Vauban, ya las hemos mentado muchas veces. Voilà, on les retrouve partout en France. Donc cette citadelle de Besançon est l'une des plus belles citadelles fortifiées de Vauban. Elle est en parfait état de conservation et actuellement, elle est aménagée en lieu multiculturel touristique. C'est-à-dire on trouve un musée Vauban, évidemment, mais également un musée Comtois, un musée de la Résistance et un muséum d'histoire naturelle. Voilà. Et depuis quelques années, cet ensemble est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Voilà, cette citadelle, quelle forme a-t-elle ? Est-elle une forme ? Elle n'est pas en forme d'étoile. Non, je ne saurais pas vous dire exactement quelle est sa forme. Si, más o menos, ¿no? Tiene todos un poquito una forma así puntiaguda en algún sitio, ¿verdad? Voilà, mais on dit que c'est une des 10 plus belles citadelles de France, effectivement. Donc voilà pour Besançon, c'est vraiment le lieu emblématique de Besançon. À Besançon, en ville, vous trouvez également de nombreux hôtels particuliers du XVIe ou du XVIIIe siècle, dont un palais qui s'appelle le Palais Granvelle. Et on peut juste faire une petite mention particulière pour cet édifice-là, puisque Granvelle était garde des Sceaux de Charles Quint. Ah, muy bien. Garde des Sceaux, el ministro de Justicia. Voilà. Pour Montbéliard. Alors Montbéliard se trouve au nord de Besançon. On l'appelle la cité des princes. Alors Montbéliard, c'est une ville historique intéressante avec un château. Mais je préférerais, pour parler de Montbéliard, parler d'autres aspects, notamment gastronomiques. La saucisse de Montbéliard est très connue. C'est une spécialité locale. À mon côté de Montbéliard se trouve également une petite ville qu'on appelle Sochaux. Et Sochaux, c'est le berceau historique des usines Peugeot. Voilà, hein, puisque la famille Peugeot est une famille d'industriels qui a commencé par fabriquer des moulins à café, puis des vélos. Et à la fin du 19e siècle, la famille s'est lancée dans l'aventure de l'automobile et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et oui, qui n'avait pas son moulin de café, ¿verdad? De Peugeot, encima de la cheminée. Tout à fait, et ils en fabriquent encore d'ailleurs. Sí, claro. Avec un design le plus moderne. Et des pimienta también, molinos de pimienta también, des moulins à poivre. Voilà, exactement. Oui, et donc, c'est un des sites industriels les plus importants de France, avec aujourd'hui à peu près 13 000 personnes qui travaillent à Peugeot. Voilà. Alors, dans la petite minute qui nous reste, ces minutes, et nous parlons de los quesos. Évidemment. Alors, il y a beaucoup de fromages en Franche-Comté, hein, puisque l'agriculture et notamment la production de lait est une activité économique importante. Alors, on ne peut pas parler à Franche-Comté sans parler du comté, hein, qui est un fromage excellent. C'est beaucoup mieux que le gruyère, d'ailleurs. Oui. Le comté. Oui, oui, oui. Il y a également le morbier, qui est un fromage tout à fait particulier, avec une petite ligne noire au milieu. Una beta. En fait, voilà. C'est du charbon, en fait, qu'on mettait au milieu du fromage, puisqu'on confectionnait le fromage en deux temps. et pour ne pas que la partie inférieure s'abîme, on mettait du charbon dessus. Il y a aussi le Mont d'Or, qui est un fromage connu, et puis la cancoyotte. La cancoyotte, c'est un fromage liquide qu'on utilise sur des tartines ou sur des pommes de terre, et c'est que l'on trouve décliné sous divers aspects. Parfait. Bien, écoutez, vous nous avez donné envie de goûter tout ça, donc nous irons. Certainement, vous rendez visite. Voilà, bien, merci d'être venu. Et puis, chers auditeurs, hasta otro día. Adios.